289e chapitre. Mauvaise situation. La ville de Warden est située au milieu d'une plaine fertile appelée Green Wall. On y fait surtout le commerce des bestiaux. Depuis un ou deux ans, cette ville à peu près inconnue a pris un rapide développement. Il en est ainsi d'ailleurs de nombre de cités américaines. Un jour, une hutte s'élève dans une plaine. Quelques jours après, de nouvelles huttes viennent se grouper autour de la première. Bientôt, elles se convertissent en spacieuses maisons de bois. Puis, une ville s'étend peu à peu à l'endroit où quelques mois auparavant se trouvait une plaine déserte. L'Américain, pratique avant tout, établit sa demeure dans les endroits qu'il peut faire rapporter. Dès que cet endroit a cessé, pour une cause ou pour une autre, d'être florissant, les maisons de bois disparaissent comme par enchantement. Des chariots les emportent vers d'autres régions où une nouvelle ville s'élèvera bientôt. Les aviateurs atterrirent sur l'un des côtés de la ville dans une plaine inculte. Devant eux s'ouvrait une rue où l'on voyait des maisons en briques, ce qui prouvait que la ville de Warden prospérait. En effet, du jour où les Américains remplacent le bois par la pierre ou la brique, c'est qu'ils ont l'intention de se fixer pour longtemps dans l'endroit qu'ils ont choisi. « Restez ici, » dit M. Voirin à Fabien et à Francis. « Grondard et moi, nous allons chercher ce qui nous est nécessaire. »« Soyez tranquille, » dit le Parisien. « Le gosse et moi, nous ferons bonne garde. D'ailleurs, je crois que nous n'avons rien à craindre ici. » M. Voirin et son contremaître s'engagèrent dans la rue qui s'offrait à eux et qui portait le nom prédestiné de Happy Street, rue heureuse. Arrivés sur une petite place où une vingtaine d'hommes étaient rassemblés, ils hésitèrent un moment, puis M. Voirin s'avança vers le groupe. Personne ne répondit aux questions qu'il posa. Étonné, l'ingénieur s'avança vers un homme qui paraissait commander aux autres et lui dit en anglais « Pardon, monsieur, nous sommes des étrangers qui désireraient trouver un marchand d'huile pour moteur. » Tous les hommes se mirent à rire aux éclats, mais personne ne répondit. « Quelle brute !» fit Grondard. Un des individus qui comprenait le français traduisit ces paroles à ses compagnons et bientôt les deux aviateurs se virent entourés de figures menaçantes. Grondard n'était point patient. Il ne commençait jamais, mais quand on l'attaquait, il savait se défendre et durement. Comme il avait reçu un coup de poing, il en rendit un autre, et son adversaire alla rouler sur le sol en rendant le sang par le nez. Ce fut alors une bagarre effrayante qui eût certainement mal fini si des agents n'étaient venus mettre le holà avec la brutalité bien connue de la police américaine. L'affaire se termina dans un poste de police où M. Voirin et Grondard furent interrogés par un inspecteur. Celui-ci était un homme sec et brutal. Il ne comprit rien ou feignit de ne rien comprendre aux dépositions des témoins et finalement se décida à les garder à sa disposition jusqu'à ce qu'il eût obtenu sur leur compte de plus amples renseignements. Ce fut le mot dont il se servit. En vain l'ingénieur voulut-il s'expliquer. L'inspecteur ne le laissa point parler. « Taisez-vous ! » disait-il à chaque parole que prononçait M. Voirin. Et il fit jeter l'ingénieur et Grondard dans une petite pièce obscure sur la porte de laquelle on lisait « Box of Correction ». Cette stupide aventure eut pu mal tourner quand, fort heureusement, Francis et Fabien se mirent de la partie. En ne voyant pas revenir leurs compagnons, ils se mirent en campagne. Arrivés à l'entrée de la rue dans laquelle M. Voirin et Grondard avaient disparu, ils s'arrêtèrent un instant. Deux policemen se promenaient mélancoliquement en comptant leurs pas. Ils les questionnèrent et demeurèrent interdits en apprenant ce qui s'était passé. Dick, avec son flair, les conduisit vers le commissariat, devant la porte desquels ils trouvèrent des gens qui s'entretenaient de l'incident. Parmi eux se trouvaient quelques Français. « Ah ! » fit l'un d'eux. « Vos amis ont sans doute eu maille à partir avec les culottes de cuir. » C'est ainsi qu'on appelait à Warden les cow-boys qui étaient chargés de la garde des chevaux. « Cela ne m'étonne pas, L'inspecteur de police leur donne raison. « Parbleu, il en a peur !» répondit un autre. La foule s'était amassée. Elle non plus n'aimait point les culottes de cuir, qui se conduisaient à Warden comme dans une ville conquise. Bientôt, la révolte gronda. « C'est scandaleux !» disaient les uns. « Nous ne sommes plus maîtres chez nous. Les culottes de cuir nous traitent comme des nègres. Pourquoi nous laissons-nous faire ?» En Amérique, les révoltes éclatent en un rien de temps et s'apaisent d'eux-mêmes. Bientôt, 200 personnes se mirent à hurler devant le poste de police en réclamant les prisonniers. Beaucoup parmi la foule ne connaissaient pas ces derniers, mais il suffisait qu'ils fussent des ennemis des culottes de cuir pour qu'on les soutînt.